Les fresques en mosaïque représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, toujours ensemble sur le chemin pour le peuple, sont construites à la ville de Sadion de la province du Hwanghae du Nord, à la fabrique de Stretom Missin de Sinizu et à la briqueterie de Céleste Pion de la province du Pion du Nord, alors que la fresque en mosaïque en tournée d'inspection de la campagne est érigée à la commune de Tsuntsang de l'arrondissement de Songun de la province du Zavang. La fresque en mosaïque représentant le général Kim Jong-il a été mise sur pied au commissariat de sécurité du peuple de la ville de Kaesong. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.